Installation, modulation, modulation. Oh, suena manca y domi. Oh, suena manca y domi. Oh, suena manca y domi. Oh, suena manca y domi. Oh, suena manca y domi. Oh, suena manca y domi. En pique bao. En pique bao, bao, bao, bao. En pique bao. En pique bao. En pique bao. En pique bao. En pique bao. En pique bao. En pique bao. Sans vide, c'est la fin. Marie Chantal, car ne s'est pris pas tomber mal.